Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz, émission que vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les jours, à toute heure de la journée, à partir du blog asile35.blogspot.fr. Ça, c'est pour la Mondio Vision, pour écouter en balado diffusion l'Asile tous les jours de l'année, et donc sur l'antenne du 94 MHz le lundi en direct à partir de 21h30. Cette semaine, pas d'invité mystère, tapis dans les recoins des studios de Canal B. Un programme, comme d'ordinaire, de nouveautés alambiquées qui démarre avec un nouvel opus de Man Forever, qui est le projet de monsieur John Colpitz, alias Kid Millions, qu'on a connu pour pas mal de projets, de collaborations aussi, notamment aux côtés de Jim Sauter, de Borbeto Magus, puis de pas mal d'autres gens, également de G. Space Man, alias Jason Pierce, le fameux Jason Pierce des Spaceman 3, et puis pas mal d'autres projets, donc je vous disais, pour monsieur Kid de Millions, notamment Oneida. Il a été batteur d'Oneida, parce que c'est principalement un batteur assez furieux, je dois dire. Il revient avec son projet Man Forever, avec pas mal d'invités prestigieux. On le retrouve notamment aux côtés des gens de Yola Tango, d'ailleurs sur le titre qu'on va écouter, extrait de cet album Play What They Want, et puis pas mal d'autres gens encore, pas mal de harpes aussi. Il y a notamment la collaboration de Marie Latimore et bon, un peu tout le staff de label de Chicago. Thrill Jockey est embarqué dans cette furieuse histoire, puis des invités prestige tels que Laurie Anderson, qui fait des vocaux sur l'un des morceaux assez long de cet album de Man Forever. Et promis, nous aussi on va vous jouer ce qui nous plaît ce soir, donc on écoute le Play What They Want par Man Forever. Thank you. Une manière de bien démarrer l'asile avec tout d'abord un projet avec des voix assez éthérées. Parfois il faut. Il s'agissait de Man Forever et le nouveau projet, donc, enfin le projet qui existe depuis plusieurs années. Ils ont déjà sorti 4-5 opus. C'est surtout centré autour de Monsieur Kid Millions, ce groupe new-yorkais de ce batteur percussionniste qui s'aventure dans des terrains assez inhabituels. Assez régulièrement, notamment il avait fait un disque en compagnie d'un ensemble de percussions, le Sow Percussion très exactement, et là il est en compagnie d'une palanquée d'autres américains, notamment le Tig Percussion Group qui fait différents arrangements percussifs, pas mal de voix, il y a des ambiances un peu à la post Moondog et puis des ambiances aussi un peu à la Alice Coltrane sur le retour avec ses arpèges de harpes qui sont jouées par Marie Latimore, qu'on a déjà rencontrée au sein du label Amiral de Kid Millions, Thrill Jockey. L'album s'intitule Play What They Want, et puis c'est assez bien nommé vu la musique qui part un peu dans différentes directions. L'album est plutôt réussi, un petit bémol peut-être pour les voix, en tout cas en ce qui me concerne, mais bon, en tout cas le disque est très très recommandable, et on a enchaîné avec la musique reconnaissable entre mille des Suisses de Massico qui vont sortir un split 45 tours en compagnie du groupe post-punk londonien qu'on vous a proposé aussi dans d'autres numéros de l'Asile le plus sûr, House Wives. Donc c'est un 45 tours qui sort en coproduction entre 5 labels, notamment Hands in the Dark, Blank Edition, Red Wing qui est la maison mère des Massico et autres orchestres tout puissants, Marcel Duchamp et mon cul c'est du tofu, il fallait bien qu'il participe cela, et Harbinger Sound qui est un excellent label londonien qui sort quantité de choses dans les musiques tant hip-hop que expérimentales, noise dans tous les sens. Les Massico, donc le projet de Simone Aubert à la guitare, elle qu'on connaît aussi en tant que batteuse et chanteuse de Hyperkult. On va continuer avec un peu de chansons françaises, mais non pas de la variété, rassurez-vous. Il s'agit d'un nouvel opus de Miss Héloïse Descazes, qui fait partie du fameux groupe Arlt, le groupe au nom imprononçable. On l'a connu en compagnie de pas mal d'autres musiciens pour un certain nombre de duos, notamment aux côtés de Monsieur Sikmus Mac Cloud, par exemple, également aux côtés de Delphine Dora aux éditions Okraina. Et depuis quelques années, elle joue aussi aux côtés du guitariste canadien qui vit à Paris, Eric Chenot. Ils avaient déjà sorti également un disque aux éditions bruxelloises Okraina Records. Eric Chenot qui fait un peu partie de toute la grande famille du label Constellation et qui a un jeu de guitare entre le folk et les musiques nouvelles qui est plutôt assez chatoyant. Et donc ils récidivent ces deux-là, ils viennent de sortir un nouvel opus aux éditions de Lausanne, 3-4 Records, excellent label qui existe depuis une petite dizaine d'années, ça s'intitule La Bride et il s'agit d'un répertoire folklorique français un peu post-médiéval, un peu façon ce que peuvent faire par exemple La Baracande et autres projets du Mum Akabi. On écoute un extrait de ce nouvel opus, le second donc de Héloïse Descazes et Eric Chenot, avec le titre « Dedans la ville de plaisantement ». Porte la dentelle, c'est pour mieux se faire voir la belle demoiselle. S'en va se promener dans son chemin. Elle a rencontré un jeune amoureux qui l'attend. fut de sur les minuits. La petite brunette n'y pouvait point dormir. Ramasse ses culottes, son or et son argent, la petite brunette, elle s'en va devant. Oh, quand ça fut, oui, le matin, jour, le beau galant, souhaite-t-il un bonjour. Sans culotte, ainsi que sans le sou. Si vous l'aviez vu le gentil galant, si vous l'aviez vu le jour d'auparavant, il était sans culotte, ainsi que sans le sou, que sans sa chemise, on l'aurait bien tout vu. Thank you. sans aller le plus sûr, une vraie séquence de bourrée auvergnate. Tout d'abord dans les maquis sonores, comme dirait notre camarade Dominique, avec le duo Héloïse Descazes et Éric Chenot, donc dans les maquis sonores hexagonaux, peut-être d'Auvergne ou de Villefranche-sur-Rouergue, avec ce disque La Bride et un certain nombre de chansons traditionnelles, vraiment ancestrales, du répertoire français. Un disque plutôt pas mal, avec comme toujours la voix assez étrange de Héloïse Decazes et les ambiances tout autant fantomatiques d'Éric Chenot, qui rajoute pas mal de choses et de coloration à cet excellent disque publié aux éditions 3-4 Records. Et puis ça fait pas mal penser aussi au projet du collectif La Novia, notamment La Baracande ou encore Toad, dans les ambiances un peu musique traditionnelle mais poussée à leur paroxysme, dans un côté dronesque psychédélique. Et le disque est vraiment très très bon, comme je vous disais. J'ai pas écouté le précédent qui était sorti aux éditions Ukraina, et Boss Reform Records est très très actif en ce printemps 2017, avec pas mal de disques qui sont sortis. Il y a un autre projet de Éric Chenot, un autre duo aux côtés cette fois du guitariste qu'on vous a proposé d'ailleurs également dans ce même programme, Norberto Lobo, que j'ai pas pris le temps encore d'écouter. Également le retour de Anaïta, qui est la rencontre entre Tara Burke de Furxaxa et Elena Epsvol de Espers. J'ai écouté aussi un projet assez curieux qui s'appelle Pan Perdu, et le disque Le Fruit Vert, ou l'inverse. C'est des musiques assez étranges que produisent les gens de Lausanne, du label 3-4 Records, depuis une petite dizaine d'années. On avait vraiment adoré certaines de leurs productions, notamment le disque entre David Maranha et Elena Epsvol, ou encore celui de La Tène. On a enchaîné cette fois-ci avec les maquis sonores de l'Illinois et le retour de la flûtiste Nicole Mitchell, qui fait partie de l'Association pour l'avancement de la musique créative, la fameuse AACM, fondée à la fin des années 60, qui a enfanté plus d'un projet, et notamment l'Art Ensemble of Chicago, donc collectif d'entraide musicale, également de formation, et avec une spiritualité vraiment très très prononcée. Nicole Mitchell, qui est un pur produit de l'AACM, elle a joué dans quantité de production de ce collectif depuis une bonne dizaine d'années. Elle n'a rien à voir avec Roscoe Mitchell, le saxophoniste de l'Art Ensemble d'ailleurs, et elle est enseignante également. Et c'est un disque qui a été enregistré en concert, d'ailleurs c'est pour ça que le son était un peu faiblard peut-être par moment. Un projet enregistré au Museum of Contemporary Art de Chicago dans le cadre d'un festival, on pourrait dire, sous le nom de Creative Music Summit. Et donc c'était son projet le Mandorla Awakening, avec ce Emerging Worlds numéro 2, projet très très spirituel, un peu dans la grande tradition de la musique afro-américaine post-free et très très inventive. Et on la retrouve pour ce disque aux côtés notamment donc la flûtiste Nicole Mitchell, qui fait aussi l'électronique, de Tomé Carred, la violoncelliste et banjoiste, puis pas mal d'autres gens que je ne connaissais pas vraiment, tant au violon qu'aux voix et à la guitare électrique et au oud. C'était Alex Wing. Voilà donc pour ce projet, le Mandorla Awakening de Number 2 de Nicole Mitchell, qui est certainement l'un de ces disques qui m'a le plus enthousiasmé de ces dernières années. J'étais pas forcément toujours très très amateur de ses compositions, peut-être un poil trop cérébrale. Là, peut-être dû au fait que c'est joué en live, ça m'a plutôt vraiment chatouillé l'oreille. Voilà, on va continuer avec une musicienne que je découvre, et c'est assez normal puisqu'elle a démarré il y a de ça 2 ans. Elle est originaire de Bologne et elle est basée à Berlin. Il s'agit de Caterina Barbieri, et un disque qui vient de sortir aux éditions Important Records sous le titre Patterns of Consciousness, et un disque de musique un peu électronique modulaire, mais plutôt le modulaire dans ce qu'il a d'assez peut-être abstrait, et dans la synthèse sonore, soustractive ou additive, comme vous préférez. Le disque est plutôt pas mal. Elle avait déjà sorti une cassette aux éditions Cassona, qui est la subdivision cassette du label Important Records, et on va écouter un titre vraiment très très réussi de cet album de Caterina Barbieri. Le morceau s'intitule TCCTF. ce genre de séquence, vous allez vous dire que je cherche à vous faire scotcher toute la soirée. On a démarré avec Caterina Barbieri et son Patterns of Consciousness, un très bon disque publié aux éditions Important Records. On n'avait pas entendu un disque aussi bon sur ce label qui produisait des choses assez fantastiques il y a de ça quelques années, depuis bien longtemps. Et Caterina Barbieri, apparemment elle vit à Berlin, elle pratique le synthé modulaire plutôt d'une manière assez affirmée, et elle se produit aussi dans des expositions d'art contemporain, ce genre de choses, des performances, donc plutôt dans le domaine expé et dans l'art sonore également. Le disque est vraiment plutôt réussi, son premier disque officiel on pourrait dire. Le premier était sorti de manière plutôt confidentielle, et on a enchaîné avec cette musique qui continue derrière votre serviteur, et la rencontre entre messieurs English, Walker et Harris, le trio Walker, Harris, English, et ce disque qui est paru au mois d'avril sur le label LED. Très très beau disque qui marque la rencontre entre l'Australien Lawrence English, originaire de Brisbane, qu'on connaît notamment comme le boss du label Room 40, avec pléthore de disques à son actif dans les musiques électroniques ambiantes assez granuleuses et en général chouettissimes. Et là, il est aux côtés de deux musiciens que je ne connaissais pas vraiment, quoique finalement. Tout d'abord, au Field Recordings, Connor Walker, qui est un personnage très peu connu. Il fait partie d'un collectif qui s'appelle Replicast. D'ailleurs, il s'occupe aussi, je crois, d'un label depuis quelques années. D'ailleurs, c'est lui qui avait sorti une première cassette de ce projet Walker Harris English. Et le troisième larron, c'est Thor Harris, qui est un musicien également plasticien d'ailleurs américain, qu'on connaît surtout pour ses collaborations aux côtés des Swans, mais pas que des Swans. C'est lui qui participe depuis le milieu des années 80, et notamment qui est le batteur aussi joueur de Dulcimer, qu'on retrouve dans la plupart des enregistrements des Swans de ces dernières années, et aussi des tournées de ce même groupe. Et il a fait aussi partie d'ailleurs de Angels of Light, qui est un side project de Michael Gira, plutôt dans les musiques un peu folkoïdes expérimentales. Et il a collaboré aussi aux côtés de quantité de gens tels que Devendra Banhart et Tutti Quanti. Voilà pour l'excellent Thor Harris, qui joue du dulcimer de manière tout aussi véhémente que vraiment très très fantastique. Le disque est brillantissime, cette mélange d'éléments acoustiques et d'électronique très raffiné. Voilà pour ce disque donc du projet Walker Harris English. On va continuer avec tout autre chose. On va se réveiller quelque peu avec un disque aux éditions de Gand El Negocito Records, le fameux label et aussi restaurant de Gand en Belgique, auquel nous avions consacré une émission entière. C'était à l'été de l'année dernière, je crois, qui est toujours disponible d'ailleurs sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Et El Negocito Records continue de produire des disques de jazz contemporain très très réussis, à l'image de ce CD The Singer Painters Meets Carver and Horn. Rien que ça, donc non à rallonge pour ce projet The Singer Painters, qui est un trio depuis la fin des années 90 en Belgique, un trio au départ voix, guitare, batterie, pas mal de mouvements dans le groupe, des gens qui s'en sont allés et d'autres qui sont arrivés ou revenus, d'où le nom The Singer Painters Meets Carver and Horn. Et on y retrouve aux côtés du guitariste Mathias Van de Ville et du chanteur Laura Van et du batteur Merlin Paredin, le trompettiste Bart Maris, ainsi que le contrebassiste Peter Jackmin. Le disque s'intitule The Food Supplement et il a été enregistré en concert, comme souvent pour les productions d'El Negocito Records, également à Gand, mais cette fois-ci au Crocs Fox. Et on va écouter le titre qui démarre ce disque, The Food Supplement. Not on the table, George. George, not on the table. Not on the table, George. Not on the table. Don't puke on the table, George. George! Steve! Don't! George, don't the table! Oh, you goddamn fool! Not on the cupboard! Steve! Not on the cupboard, Steve! Steve, don't the cupboard, George! George! George! Steve! Down the cupboard! George, goddammit! Don't puke on Steve, George! Table, Steve. Oh, gee, look. George on the table again. Ain't a girl's apartment. God damn it, George! In the girl's apartment, George! Steve! Steve, don't puke on George! Steve! God damn it, why you done that? Why you done that? Not in a girl's apartment. Not in a girl's apartment. Please, goddammit, not on the girls, Steve. Not on the girls, Steve. Steve, Steve, goddammit. Goddammit, fools, both of you. Sit, sit, George, sit, sit, sit. Steve. God damn it! George! Come over here! Come over here! George! God damn it! Not on the carpet! George! Not on the carpet! Not on the girl! Steve! You goddamn fool! Not on the girl! Not on the girl's apartment! Don't get on the girl, Steve. Steve, don't get on the girl. You silly piece of shit. Don't touch the girl. George! Steve, goddammit. Steve, George. Where's the dog? What happened to the dog? George! Why you done that? Steve! Why you done that? And the girl didn't like it! The girl didn't like it! And the girl didn't like it!

Séquence de jazz frites pour le moins énervé qui nous a remis les pendules à l'heure. On s'est fait remonter les bretelles par les Singer Painters, Meat Carver and Horn et ce disque The Food supplément aux éditions El Negocito. Alors je sais pas contre qui le chanteur Laura Van s'invectivait, peut-être un animal de compagnie, qui sait. En tout cas pour Peter Brotzmann et Heatherly, je ne sais pas trop contre qui il faut s'y faire. Mais en tout cas le disque qu'ils viennent de faire paraître aux éditions Sex Tape, le bien nommé aux éditions autrichiennes Trust Records, est vraiment ultra réussi. Un enregistrement au festival Music Unlimited de la petite ville de Wels en Autriche, donc une session, un set d'une traite, et je dois dire que ça déménage et c'est sacrément plus réussi d'ailleurs que leur précédent dans disque qui s'intitulait Ears Are Filled With Wonder, donc la rencontre entre le colosse de Wuppertal et son saxophone monté sur acide, et Heatherly avec sa pédale steel guitar, une très très belle rencontre qu'on avait eu l'occasion d'ailleurs d'écouter dans un petit club du côté de Montreuil, les Instants Chavirés, lors de cette tournée de l'automne 2016, automne-hiver, qui a enfanté de cette sex tape aux éditions Trust Records. On va continuer avec un trio international un petit peu ou un poil plus tranquille, quoique il s'agit d'un trio d'improvisateurs et expérimentateurs électroacousticiens. Un allemand, Burkhard Baines, qu'on rencontre dans quantité de choses depuis des années et qui joue des instruments assez bizarroïdes tels que le monotron et autres oscillateur de poche ou manuel, également du e-bow de Zither. Il est aux côtés de Lucio Capecce aux différents saxophones et aussi aux samples et un peu d'électronique. Quant au troisième, on le rencontre dans quantité de choses, c'est un Suédois, il s'agit de Martin Kutchen au saxophone radio, iPod et autres speakers, et il y a aussi un quatrième larron, c'est pas du tout un trio, comme quoi il ne faut jamais croire ce que vous dit l'asile le plus sûr. Il s'agit de Paul Vogel qui lui joue du verre de cristal chantant. Voilà, donc c'est un disque qui s'intitule Fracture Mechanics. Il est sorti aux éditions Moscovite Microton Recordings, qui est un excellent label qui sort des choses très très chouettissimes dans les musiques improvisées et aussi électro-acoustiques. Il y a eu également un très très bon projet sous le nom de The Holy Quintet qui est sorti juste avant. On retrouve là encore un quintet de musiciens internationaux. On écoute en tout cas un extrait de ce Fracture Mechanics. Les pièces sont très très longues. On va démarrer d'ailleurs à la minute 07. Thank you. Thank you. 2. La Joconde. 3. La peinture comme pensée non verbale. Avec ce disque de poésie électronique intentinée japonisante qu'on va terminer l'asile de cette semaine avec le duo Eddy Ladoire et Régnier Le Ricollet, deux plasticiens sonores qu'on a rencontrés dans pas mal de projets annexes, chacun de leur côté et aussi ensemble, notamment pour des disques dans des collections FRAC d'ailleurs. Et là, il s'agissait d'un tout nouvel opus aux éditions Tsukubu Bushi, un disque encore avec un titre allemand imprononçable pour votre serviteur, Gekrumte Poésie. Voilà un disque vraiment très très bon des deux, Ladoire et Le Ricollet. On va se quitter avec un dernier titre avant de laisser la place à nos camarades de Zion Highway qui sont bien installés pour démarrer leur émission avec la plasticienne et aussi électro-acousticienne Olivia Bloch, un tout petit petit extrait de son dernier disque Dissolution qui est sorti aux éditions Glistening Examples. On pourra l'écouter un petit peu plus largement sur le blog de l'émission. Je vous souhaite une très très belle nuit et une très bonne semaine. À bientôt. Thank you. Thank you. Me permettait qu'on a thing over and over and over again. And I thought if maybe we could slow down and really see it, we could understand ourselves a little better and even make a change. Some had the fortune to stick our hands in the black soil. We instinctively learned that dark matters. That's where the mind is free. Birds sing interlocking songs of imagination, an image nation of endless possibility. There is a place, there is a place, there is a place, there is a place of innovation, of improvisation, of impossible. That's where our survival is. Many have dipped to drink its power. Darkness is the beauty and will always be. New worlds and words, new worlds and words, new worlds and words can change this illusionary one into y'all, into. There's a maze in the mind, a battle where many artists fight to save us from destruction. Lies are hammered in our brains, torturous thorns of fluorescent light. If these thorns are not plucked with the sound of truth, they chisel through one generation into the next of the same wound. One thread we hold to pull our loved ones dangling over the cliff close to peril and poverty. The confining walls close in quickly. There is the timeless resistance from death of the soul. It seems the one thread we hold to pull our loved ones dangling over the cliff, close to peril and poverty. The confining walls closing quickly. There is a timeless resistance from the death of the soul. The bull kicks its forelegs, ready to charge its target in justice. Thank you.